Le feu dans la nuit. Il leur fallut 8 jours pour tailler les armes. Des pointes de silex ou des dents aiguës terminaient les sagaies. Ils avaient chacun un harpon dont l'extrémité était en corne. 2 propulseurs devaient lancer les traits à distance. Enfin, le chêne avait fourni des massues dont la plus lourde, maniée par Aoun, était redoutable pour les plus grands fauves. Ils descendirent de la pointe du promontoire dans la plaine, en s'aidant de lanières coupées dans le cuir d'un cerf. Quand ils furent sur la savane, la horde des Oulamres sembla perdue dans une profondeur insondable. La force de la jeunesse entraînait Aoun, et l'esprit de conquête des bêtes verticales. Autour de lui fuyait la proie innombrable. Il n'aurait eu qu'à se tapir dans l'herbe pour surprendre la Gragre, l'Axis ou le Saïga. Mais il ne tuait pas en vain la bête herbivore, car la chair est lente à croître et l'homme doit manger chaque jour. Lorsque la horde avait des provisions abondantes, Nao, chef des Oulamres, défendait la chasse. D'ailleurs, la nouveauté des choses émerveillait les compagnons. Ils épiaient le gavial, long de 12 coudées, et son museau interminable. On le voyait flotter sur le fleuve, se tenir en embuscade sur un îlot ou parmi les roseaux de la rive. Le dryopithèque montait dans les ramures, ses mains noires et son torse humain. Des gores rôdaient en troupes, aussi puissants que les urus, dardant des cornes qui pouvaient ouvrir le poitrail du tigre et écraser le lion. Des gaïales noires développaient leur rude stature et leurs garrots saillants. Un guépard disparaissait soudain au tournant d'un hallier. Une troupe de loups à la poursuite d'un nigaud passait furtive et sinistre, et les dôles, le nez contre la terre, suivaient une piste ou bien, levant leur tête fine, hurlaient par saccades. Quelquefois, un tapir se dressait épouvanté dans sa bauge et fuyait dans les dédales du figuier bagnant. Aoun et Zour, aux écoutes et les narines dilatées, se garaient des cobras et redoutaient les grands fauves. Ceux-ci dormaient dans leurs repères ou parmi les bambous. Seule une panthère rousse se montra vers le milieu du jour, dans le creux d'un roc, ses yeux de feu vert fixés sur les hommes. Aoun leva sa massue et dressa sa stature musculeuse, mais Zour, se souvenant du maquet d'Horus, retint le bras de son compagnon. Le fils de l'Horus ne doit pas combattre encore. Aoun comprit la pensée de Zour. Puisque le Machérodus s'était montré plus redoutable que le lion, cette panthère rousse pouvait avoir la puissance d'un tigre. Nao, Faoum et Goun, aux os secs, enseignent la prudence autant que le courage. Il faut connaître ses ennemis. Toutefois, l'Oulamre n'abaissa pas tout de suite sa massue. Il criait « Aoun ne craint pas la panthère !» Comme le fauve demeurait dans la caverne, les hommes reprirent leur route. Ils cherchaient un repère. Dans cette terre ardente, la nuit devait fourmiller de carnivores. Même auprès du feu, trop de périls menaçaient les nomades. Les Oulamres avaient l'habitude et le sens du gîte. Ils savaient protéger les cavernes à l'aide de blocs, de branchages et de troncs d'arbres. Ils complétaient les abris en plein air ou ceux qu'offraient les rocs en surplomb. Tout le jour, les compagnons ne trouvèrent rien. Et vers le soir, ils s'éloignèrent du fleuve. Les premières étoiles paraissaient quand ils firent halte sur une éminence où ne poussait qu'une broussaille rare et quelques herbes chétives. Adossés à une arête de schiste, ils disposèrent le feu en demi-cercle. Chacun devait veiller à son tour, parce qu'il avait l'ouïe plus fine et l'odorat plus subtil, et que le commencement de la nuit est plus redoutable, Aoun veilla d'abord. Une brise lente apportait les odeurs rudes de la bête et l'arôme caressant des végétaux. L'essence du jeune Oulamre saisissait dans leurs filets légers les rumeurs, les phosphorescences et les effluves. Les chacals se montrèrent d'abord, furtifs, incertains et pleins de grâce. Le feu les attirait et les effarait. Ils demeuraient immobiles, puis avec des grattements délicats, ils approchaient du mystère. Leurs ombres s'allongeaient derrière eux, leurs yeux brillants s'emplissaient d'une lueur rouge, leurs oreilles aiguës se tendaient en tous sens. Au moindre geste d'Aoun, ils reculaient tous ensemble. Dès qu'il agitait le bras, il fuyait avec de faibles glapissements. Aoun ne les craignait pas, même en multitude, mais leur senteur violente le gênait, rendant moins sensibles les émanations des autres fauves. Pour ne pas gaspiller ses armes, il ramassa de la pierraille. Au premier jet, ils se dispersèrent, puis des dôles parurent, que le nombre et la faim pouvaient rendre audacieux. Ils rôdaient en grappe avec des arrêts brusques, ou s'élançaient avec un grondement qui se répercutait de l'un à l'autre, comme s'ils se parlaient. Le feu les arrêta net. Aussi curieux que les chacals, ils flairaient la viande rôtie et l'odeur des deux hommes. Une confuse supplication se mêlait à leur convoitise. Quand Aoun jetait des pirailles, l'avant-garde reculait et se tassait en angle. Une hurlée menaçante se répandait dans les pénombres. Ils s'obstinaient, hors de portée, déléguant des éclaireurs, qui cherchaient sournoisement des ouvertures. Celles qui séparaient les ailes du feu de l'arête leur apparaissaient trop étroites. Ils y revenaient pourtant. Ils flairaient avec une patience énervante. Parfois, ils feignaient une attaque, où un groupe allait hurler derrière les rocs, dans l'espoir qu'une panique leur livrerait les viandes. Peu à peu, les chacals étaient revenus plus sournois à distance des dôles. Ils reculèrent devant 12 loups surgis à l'Orient, puis se dispersèrent pour laisser le passage à des hyènes. Celles-ci trottaient insupportablement avec une fascination convulsive de leur dos déclive et poussaient par intervalles un ricanement de vieilles femmes. Deux chauves-souris naines tournoyaient sur leurs ailes molles. Plus haut, une roussette, qui avait l'envergure d'un aigle, vacillait sous les étoiles. Près du feu, les noctuelles éperdues palpitaient par myriades. Les némocères formaient des colonnes bruissantes. Les coléoptères fous tombaient sur les branches écarlates. On pouvait voir, dans un banyan, surgir deux têtes de singes barbus, tandis que le hibou des marais gémissait sur un tertre et qu'un bucéros passait son bec énorme entre les feuilles pennées d'un palmier. L'inquiétude assiégeait Aoun. Il observait les mâchoires béantes, les dents aiguës, toutes ces prunelles dont le feu faisait des flammerolles d'escarboucles. La mort planait. Il y avait assez d'énergie assemblée pour détruire 50 hommes. Les dôles avaient la force des hordes. Les mâchoires des hyènes valaient celles des tigres. Les loups de haute stature montraient des nuques musculeuses et les chacals eux-mêmes, avec leurs canines pointues, auraient pu déchirer Aoun et Zour dans le temps qu'un rameau met à se consumer. La stupeur du feu arrêtait tant de bêtes faméliques. La ruse vivait en elles, non l'audace, et la différence des espèces éparpillait les convoitises. Elles attendaient un de ces événements qui récompensent le guet ou l'attente. La haine, par intervalle, les dressait les unes contre les autres. Au hurlement des loups, les chacals se réfugiaient dans la pénombre, mais les dôles ouvraient tous ensemble leurs gueules agiles. Tous cédaient le pas aux hyènes. Elles qui menaçaient peu les hommes, ennemis du risque, accoutumés aux proies immobiles ou faibles, demeuraient là, retenues par la foule même des autres et par cette lueur étrange qui montait de la terre. À la fin arriva un léopard, et Aoun éveilla Zour. Le fauve s'accroupit devant les dôles. Ses yeux couleur d'ambre épiaient les flammes, et par-delà les statures droites des hommes. Indigné, Aoun clama. « Le fils de l'Urus a tué 3 léopards !» La bête étendit ses pattes griffues, allongea son corps flexible et fela. Elle était de haute taille, plus massive que les léopards tachetés que connaissaient les oulamres. Sa peau flottait largement autour des muscles. Elle eut sans peine franchi le feu, puis atteint l'arête où se tenaient les hommes. Anxieuse, elle cherchait à reconnaître ces créatures verticales. L'odeur et le torse lui rappelaient le gibbon. Mais le gibbon est plus petit et n'a pas cette allure. La lueur rouge les montrait plus haut que des gores. Leurs gestes, les formes étranges qui se balançaient au bout de leurs membres, excitaient la prudence du léopard. Il était seul d'ailleurs, et ceci lui faisait face. Aoun clama plus fort. Sa voix sonna comme celle d'un ennemi puissant. Le léopard rampa vers la gauche, hésita devant l'hiatus qui séparait l'extrémité du feu et l'arête, puis passa sur les flancs et à l'arrière. Une pierre le frappa à la face. Il poussa un miaulement de rage, mais recula. Menaçant, il s'abaissa comme pour bondir, gratta la terre de ses griffes et obliqua vers le fleuve. Une partie des chacals le suivait. Les dôles et les loups donnèrent des signes de lassitude, et les hyènes, élargissant le cercle de leur rôderie, n'apparaissaient que par intermittence dans les lueurs tremblotantes. Soudain, les hordes devinrent attentives. Toutes les narines flairèrent vers l'occident. Les oreilles aiguës se tendirent. Des rugissements brefs mordirent le silence et firent tressaillir les hommes sur leur arête. Puis un corps onduleux, s'enlevant dans l'ombre, vint retomber en pleine lumière. Les dôles s'étaient écartés, une tension passionnée immobilisait les loups et faisait flamber leurs prunelles. Les hyènes revenaient au trot, deux chats viverins miaulaient dans les ténèbres. Aoun et Zou reconnurent ce pelage rouge et ses dents formidables. la bête s'accroupit devant le feu. Sa taille ne dépassait guère celle du léopard et le cédait à celle des plus grandes hyènes. Mais une puissance mystérieuse, reconnue par la foule des autres, émanait de ses gestes et de ses yeux immenses. Cependant, Aounézour tenait leurs armes prêtes. Le fils de Lerus tenait un harpon de la main droite. La massue était à ses pieds. Moins fort, Zour préférait les sagaies. Tous deux croyaient le maquet de Russe supérieur au tigre, et peut-être aussi redoutable que ce fauve énorme à qui jadis avaient échappé Nao, Gao et Nam sur les terres des dévoreurs d'hommes. Il savait déjà qu'il pouvait d'un seul bond franchir 20 coudées, distance supérieure à celle qui le séparait de l'arête. Mais le feu l'arrêtait. La queue rouge rebondissait sur le sol. La voix tonnante retentissait par coupetés. Les muscles des deux hommes se raidissaient comme du granit. Aoun brandit le harpon et visa. Un saut oblique du Machaerodus retarda le combat, et Zour dit à voix basse. Dès qu'elle sera atteinte, la bête rouge bondira malgré le feu. Quoiqu'il fût aussi adroit que Nao même, Aoun ne pouvait à 20 coudées de distance blesser mortellement un grand fauve. Il écouta Zour et attendit. Le Machaerodus se trouva devant le brasier. Il s'en approcha au point de n'être plus qu'à 15 coudées des compagnons. On le discernait mieux. Sa poitrine était couverte d'un poil plus pâle que le haut du torse. Les dents luisaient comme de l'onyx, et quand il tournait la tête vers l'ombre, le feu des yeux ressemblait à la lueur des lampyres. Deux pointes du roc l'empêchaient de bondir et gênaient aussi les hommes pour lancer la sagaie ou le harpon. Il lui fallait avancer de 3 coudées. Il s'y apprêtait. Une dernière fois, il épiait les adversaires, tandis que sa poitrine palpitait d'une rage croissante, car il pressentait le courage des bêtes verticales. Soudain, une clameur traversa les rangs des dôles. Les loups tourbillonnèrent, les hyènes battirent en retraite vers le banyan. On discernait sous les étoiles une masse énorme qui tanguait. Bientôt la lumière rougeâtre montra une face épaisse vers l'extrémité de laquelle se dressait une corne plus longue que celle d'un buffle. La peau rappelait l'écorce des vieux chênes. Des colonnes rugueuses supportaient le corps aussi pesant que celui de 6 chevaux. Rogue, myope et incohérente, agitée de quelque obscure colère, la bête trottait. Tout s'écartait devant elle. Un loup qu'une poussée de panique avait jeté sur la route d'une rhinocéros fut écrasé comme une bestiole. Aoun savait que le lion et l'ours des cavernes auraient subi le même sort. Il semble que le feu même ne dût pas arrêter le monstre. Il l'arrêta pourtant. Le corps colossal oscillait devant les braises écarlates. Les petits yeux se dilataient. La corne menaçait l'étendue. Alors le Machaerodus parut devant le rhinocéros. Si allongé qu'il ressemblait à un reptile, la poitrine à ras du sol, le carnivore feulait d'une manière continue. Le souvenir vague qui inquiéta le pachyderme céda vite à la fureur. Sur la steppe, dans la jungle, au fond des landes, aucune vie n'avait résisté à sa masse. Tous ceux qui ne fuyaient pas étaient écrasés. La corde pointa vers la bête rouge. Les pattes pesantes reprirent leur course. C'était la trombe. Il aurait fallu un roc ou un mammouth pour l'arrêter. Encore 2 pas et le Machaerodus éclatait en lambeaux. Mais le Machaerodus s'effaça. Avant de pouvoir se tourner, le colosse roula jusqu'au banyan et la tête rouge fut sur son épaule. Elle fit un rugissement rauque, s'incrusta des 4 griffes et commença son œuvre. L'artère qu'elle connaissait et que connaissaient les ancêtres millénaires était là, sous un repli de peau plus épais que l'écorce des vieux cèdres, aussi dur que l'écaille des tortues, impénétrable au croc du tigre, du lion et du félin géant des cavernes. Seules ses longues dents tranchantes savaient s'y frayer passage. Le cuir, la chair s'ouvrirent, un flot de sang jaillit haut d'une coudée. La bête immense tentait de faire choir le fauve, et n'y pouvant parvenir, elle se roula sur le sol. Le Machaerodus ne s'y laissa pas prendre. Avec des grondements de volupté, il rebondit, s'écarta et défia cette force qui valait 20 fois la sienne. Un instinct infaillible lui annonçait que la vie s'écoulait avec le flot chaud et qu'il n'y avait qu'à attendre. Déjà le rhinocéros vacillait. Les dôles, les hyènes, les chacals, les chats viverins, avec des clameurs de convoitise, se rapprochaient des antagonistes. Le colosse vaincu pouvait donner à tous la nourriture d'un jour. Plus qu'aucun autre fauve, le Machaerodus pourvoyait ses hordes parasites qui escortent les grands carnivores. Encore un élan. La corde farouche fonce vers l'ennemi. La gueule bave et rauque. Le désespoir palpite dans la masse impuissante. Puis c'est la fin. Le flot tarit. Les énergies se perdent dans le mystère des choses évanouies. La peur obscure de la mort s'efface dans la mort même. Le rhinocéros s'effondre comme un roc, et le machédérus, élargissant la plaie, qui a eu raison du monstre, dévore la chair chaude. Cependant que les chacals lèchent le sang répandu sur la terre, et que les dôles, les hyènes, les loups, attendent humblement que la bête rouge soit repue.